chronique aujourd'hui est un hommage à un personnage qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, car il n'a fait que 3 films. Un personnage à côté duquel est passé Marvel, qui lui a préféré des héros en pyjama ridicule, Louis Léa. Un personnage qui n'a même jamais été interprété par aucun acteur. Ce personnage, c'est Buzz l'éclair. Le héros de Toy Story, vers l'infini et au-delà. Buzz, ce personnage idéaliste, naïf même, qui toute sa vie a rêvé de participer à Question pour un champion animé par Julien Lepers. Hein? Je suis un animateur télé qui anime une émission depuis 27 ans. Je suis Buzz viré. Buzz, il aurait gagné tout le temps tellement il était rapide. Rapide comme l'éclair. Oui, clair et rapide. Qui est clair, me direz-vous? Aucune idée. Mais c'est ma chronique. Puisque je veux, c'est clair. Voilà. Ah, une question sur hashtag Pantex. Ah. On me demande si Buzz l'éclair était éjaculateur précoce. Écoutez, c'est une chronique sérieuse. Si vous voulez que je finisse en moins de 3 minutes, arrêtez de m'interrompre tout le temps. Vers l'infini et au-delà. Buzz avait donc pour objectif d'aller au-delà de l'infini. Mais qu'y a-t-il au-delà de l'infini? Après l'infini, on peut imaginer qu'il y ait le 2. Mais ensuite quoi? 3? Pourquoi aller à 3 alors qu'on peut y aller tout seul? Autant que 3, c'est dans l'aube qu'il faut se lever tôt pour y aller. Non, je pense surtout que Buzz se sentait à l'étroit dans cette chambre. Vous imaginez, vous, passer toutes vos journées avec Monsieur Patate? Comment voulez-vous avoir la frite, Floriane? Purée, qu'est-ce que je suis drôle. Buzz, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace. Il peut pas se contenter d'un scénic. Ou alors là, je suis désolé, mais je suis obligé de cette chronique sponsorisée par Renault. Et c'est pas fini, il faut encore que j'arrive à placer Mégane, Twingo, Clio et Kangoo. Alors pour bien comprendre la psychologie de Buzz, il faut bien écouter son message. Ici Buzz l'éclair, je fais partie de la patrouille Gamma du secteur 4, membre de l'unité d'élite de protection universelle des Rangers de l'espace. Je défends la galaxie contre la menace d'invasion de l'infâme Zorg, ennemi juré de l'Alliance Sidérale. Pourquoi Buzz en veut-il autant à Zorg? Zorg? Le personnage principal, 37 de le matin, Jean Ganglade. Le cerveau de Jean-Paul va beaucoup trop vite, mais les gens normaux. Il va plus vite que les 50. Il va plus vite que Buzz l'éclair. En podcast, ce serait-il les prix de Béatrice Dalle? Que dalle. Pour la bonne et simple raison que Buzz, je peux le dire maintenant, aime Andy, le petit garçon du film. Et là, c'est le drame. Car Buzz n'a pas le droit d'aimer un petit garçon, il n'est pas prêtre. On va pas avoir que la licra ou quoi, on va prêtre aussi. Une réaction immédiate de Megan, justement, sur hashtag Pantex. Arrêtez de toucher aux prêtres, aucun problème, du moment qu'eux, ils ne touchent pas. Bon. Bon, en même temps, je comprends cet internaute, il faut pas généraliser, les prêtres ne sont pas tous pédophiles, loin de là, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas accès à Internet. Alors comment je sais que Buzz était épris d'Andy? Tout simplement par ce dialogue que j'ai retrouvé sur internet d'une scène qui était sans doute censurée au montage et dans laquelle Buzz faisait une déclaration à Andy. Hey Andy, c'est une copine à moi, Clio, qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis Andy et tu viens chez moi? Ou alors chez toi, j'ai une Twingo. Allez Andy, quoi? Oh, dis-moi oui. Chou. Andy. Dis-moi oui. Andy. Wow, chou. Andy, dis-moi oui, mon chéri. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai fait humoriste, et pas, en tout cas essayé, et pas chanteur. Alors, Andy n'ayant pas été capable de dire oui à Buzz, il deviendra son handicap. Et là, voyez-vous, je pense qu'on a passé à côté d'un quatrième Toy Story. J'aurais bien imaginé une scène filmée d'un kangou avec Buzz, déprimé, à coups de comptoir d'un bar en train de déguster une pâtisserie. Ça serait appelé Buzz l'éclair au café. Bon, chantez bien que cette vanne ferait tout blanc. Oula, il y a de très très très nouveaux commentaires sur hashtag Pantex. Mon objectif est donc atteint, puisque cette chronique a fait le buzz. Merci. Ouais. Merci Jean-Paul. Je vous en prie.